sur Hi Good, votre podcast Hallyu. Je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Jenny et de Vicky. Salut les filles. Salut. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Bon bah voilà, vous avez passé une bonne rentrée. Une bonne rentrée, ça va pour le mois de septembre, non? Oui, n'en parlons pas. Ok, bon, alors on va parler de choses un peu plus joyeuses, j'espère. Enfin non, en fait, pas trop, le thème sera un peu déprimant. Alors, donc c'est un épisode spécial drama. Alors, au lieu de parler d'un drama choisi au hasard, je me suis dit qu'en fait, il serait intéressant de cadrer nos discussions drama vraiment par rapport au catalogue de Netflix, parce qu'ils ont mis le paquet au niveau de l'offre des dramas coréens ces derniers mois. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont découvert les K-dramas comme ça, mais en fait, ils ont peu de références culturelles et ils ont peu de connaissances sur l'industrie K-dramatesque, on va dire. Et en fait, avec nos podcasts, on va fonctionner plutôt avec des thématiques, en vous expliquant pourquoi on a aimé, on a détesté les dramas qui vont nous servir d'exemple. Et comme là, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, j'ai choisi une thématique « Back to School ». Pour parler un peu des représentations violentes de l'univers scolaire coréen. Dans un premier temps, on parlera du webdrama Nightmare Teacher. Et ensuite, on parlera du webdrama The Flatterer. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit topo sur les dramas jeunesse coréens. Donc ce qu'on appelle le drama jeunesse coréen pour moi, ce sont les Changchun dramas. Ce sont des feuilletons qui mettent en scène le quotidien de lycéens ou d'étudiants. Le plus mythique, peut-être pas le plus mythique, mais en tout cas l'un des plus mythiques de drama dans ce style-là, c'est Neukin. Ça veut dire feelings, sentiments, qui a été diffusé en 1994 sur KBS. Mais lui, il est avec des étudiants. Nous, dans cet épisode, on va parler uniquement des dramas avec des lycéens. Ce genre de drama a montré ce potentiel d'avoir un fort public dès les années 80, avec le succès de Kokyo Sen-ilki. Ça veut dire en gros le journal du lycée, journal lycéen, qui a été diffusé entre 1983 et 1986 sur KBS. À la fin des années 80, NBC aussi a produit son drama Pulun Kyochil, c'est Green Classroom, qui est aussi sur le thème des dramas, de la vie quotidienne des lycéens. Mais c'est surtout au cours des années 1990 que les règles définissant le genre du Changchun drama s'établissent et lancent des carrières de quelques grandes stars trentenaires et quadragénaires d'aujourd'hui. Par exemple, NBC a diffusé le drama Na entre 1996 et 1997 et dedans il y avait Choi Kang-hee et Kim Rae-won. Entre 1993 et 1995, SBS a diffusé Kong Yeon-sang-seng, donc ça peut être traduit par le prof dragon, le prof dinosaure, voilà. Et dedans, il y avait Lee Jung-jae et Kim Hee-sun. Et bien entendu, KBS a lancé son premier, le premier volet de la saga des schools, Hakyo. C'était le meilleur. En 1999. Et dedans, donc, il y a, donc, entre 1999 et 2002, il y a eu 4 saisons, tellement ça a bien marché. Donc dedans on a pu voir Jang Hyuk, Choi Kang Hee encore, Beduna, Yang Dong-eun, Kim Rae-won aussi, Ki Tae-young, Ha Ji-won, Kim Min-hee, Lee Dong-woo, Kim Bo-kyung, Gong Yoo, Im Soo-jung aussi. Donc c'est pour dire que c'était vraiment le type de drama qui lançait des carrières au début des années 2000. Même encore aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, aujourd'hui avec donc toujours Hakyo, et KBS a relancé sa saga en 2013. Et du coup, on a eu Lee Jung-suk, Kim Woo-bin aussi, qui ont leur carrière a explosé à partir de là. Il y a eu 2 autres volets après, mais bon, il suffit de... Là, vous pouvez googler pour en savoir un peu plus pour ce qui se passe maintenant. Mais en fait, on se rend compte au début des années 2000 que le genre drama jeunesse est plutôt en perte de vitesse, parce que c'est l'époque où les dramas coréens explosent à l'international, enfin, pas encore à l'international, mais en tout cas au niveau asiatique, parce que c'est le succès de Winter Sonata en 2002, et ensuite il y a Full House en 2004. Donc les chaînes se focalisent davantage sur les grosses productions qui peuvent séduire aussi le public asiatique. On ne s'intéresse plus trop aux jeunes. Donc je pense que le drama, moi, qui a relancé vraiment l'intérêt des chaînes, c'est celui que je n'aime pas, je suis désolée, mais j'aime pas, c'est Boys Over Flowers, qui est l'adaptation de Anna Yuri Dango. Ouais, J'aime pas voilà. non plus. Ouais, ben en En même temps, 2009. criminaux. Oui. Donc, mais bon, ça, mais c'est en 2009, quoi. Et je crois que pour moi, quand je regarde, je fais la timeline. À partir de là, les autres chaînes ont essayé, ont fait des petites tentatives, mais c'est KBS qui reste vraiment la chaîne qui produit le plus de succès en termes de drama jeunesse. Il y a eu God of Study en 2010, il y a eu Ouais. Dream High en 2011. Ah, les Dream High. Il y a eu, et même quand c'est pas des gros succès populaires, c'est des succès critiques avec les mini-séries comme White Christmas en 2011. Il y a eu Adolescence Medley en 2013. Il y a eu Cheer Up aussi en 2015, Page Il y a eu les Turner en replis après, 2016. que ça soit positif ou négatif, il y a toujours un acteur ou une actrice qui sort du Oui. lot dedans. Du coup, Donc, forcément, ça leur fait la pub. c'est la force de KBS. Sur ces dernières années, SBS, son seul gros succès de drama jeunesse, c'est avec Hairs, qui a été diffusé fin 2013. Donc, à l'inverse, les chaînes câblées, justement comme TVN, elles ont vraiment utilisé le genre drama jeunesse pour s'imposer dans le monde des dramas. Donc forcément, on ne peut pas ne pas citer la saga des Reply. Ça a été lancé en 2012. C'était Reply 1997. Et donc du coup, ça a été décliné en 1994 et 1988. Il y a eu aussi des dramas musicaux comme Monstar, Persevere Oui, Gurihara. il y a WhatsApp aussi avec Daesung des Big Bang. Oui, mais What's Up, ça se passe à l'université. C'est Ah, pas. ça se passait. Oui, Non, c'est je à me suis perdue l'université. là-dessus. C'est à l'université. Oui, donc voilà. Donc en fait, les chaînes câblées, elles mettent davantage en lumière les questionnements sur qu'est-ce qu'être un adulte, comment devient-on un adulte, et on voit le passage, les périodes de tâtonnement, quand tu veux te séparer de tes parents, tu veux acquérir ton autonomie, ton indépendance. Mais bon, là. Je trouve qu'en ce moment, TVN est plus centré sur la vie étudiante. Parce qu'il y a eu Cheese in the Trap l'année dernière et Edge of Youth. Et il y a même le deuxième volet qui est en cours de tournage, je crois. ONU était dedans, paraît-il, et puis après on l'a éjecté après son scandale. Enfin bon, bref. Bref, on va pas revenir sur le sujet. Donc en résumé, sur ces 5 dernières années. Pas une année ne s'est écoulée sans qu'au moins un drama jeunesse occupe les discussions, que ce soit sur Internet ou entre vraiment les fans, les passionnés de drama. Que ce soit des critiques positives, négatives, que les dramas aient de bons ou de mauvais taux d'audience, ils ne laissent pas indifférents. Et donc les dramas lycéens, ils offrent un cadre où on peut voir s'inviter d'autres genres comme le thriller, tout ce qui est psychologique, voire le fantastique. Et c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. C'est voir comment en fait ces dramas permettent d'explorer le côté sombre de la nature humaine. Et donc on va commencer avec Akmung Sanseng, donc ça veut dire professeur cauchemar, et Jenny va nous présenter un petit peu ce drama. Nightmare Teacher, aka le professeur du cauchemar. Alors, c'est un web-drama de 12 épisodes qui a été diffusé en 2016, ne dépassant pas les 25 minutes. Pour le résumer, c'est le professeur principal d'une classe de lycéens a eu un accident et est hospitalisé. Han Bong-gu devient le professeur remplaçant de cette classe. Kang Yeol-im, qui est déléguée et première de sa classe, remarque des événements étranges concernant ses camarades. Des événements étranges menant tous vers ce professeur remplaçant. Elle décide de mener une enquête avec son ami Seo Sang-woo. Donc pour vous parler un peu du casting, on y trouve Eun Ki-jun, que vous avez peut-être vu dans Scent of Woman. Il jouait le médecin avec Kim Soo-na. Kang Yeol-im, elle est jouée par Kim So-yoon, qui est très active depuis ses 4 dernières années. Elle a joué dans Goblin, par exemple. Je pense d'ailleurs que son dernier drama en date, c'était Goblin. Et Seo Sang-woo n'est autre que joué par Lee Mi-hyuk du groupe pardon, B2B. Donc on va vous parler un peu de nos ressentis et nos points positifs et négatifs du drama. Je commence ou l'une de vous reprend le relais? Bah non, tu peux. Bah vas-y, dis-nous ce que t'as Enchaîne, aimé. enchaîne. Vas-y, vas-y. J'enchaîne. Oui. Alors mon ressenti général, c'est C'était plutôt bien. Et puis ça s'est un peu, comment dire, un peu comme un gâteau qui gonfle et qui finalement a un soufflé qui éclate. La fin était très bof, donc finalement mon ressenti du drama n'est ni très positif, ni très négatif. Il est plutôt négatif, mais c'est pas non plus une horreur. Mais je vais commencer par le positif. Personnellement, j'ai bien aimé que chaque épisode s'était concentré sur un élève. Parce que vu le format ultra court, vu que c'est un web Enfin, drama, t'as s'il y deux avait. épisodes, je crois que t'as deux épisodes par élève, exactement. Parce que franchement, si ça aurait été plusieurs élèves d'un coup, vu le nombre d'élèves, on aurait eu du mal à suivre. Et du coup, en fait, c'était. J'ai bien aimé que c'était. Que chaque élève avait un peu sa trame dans un épisode, voire deux, quoi. Mon deuxième point positif, c'était le casting général des élèves, notamment. Parce qu'en fait, ce que j'ai du mal avec les drama school, c'est que je trouve souvent les élèves, bah, les acteurs qui jouent les élèves n'ont pas forcément tous le même niveau et qu'il y en a forcément ceux qui sont meilleurs que d'autres au niveau du jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était globalement à peu près pareil et du coup, ça fait une bonne balance. Après, en même temps, ils ont vraiment choisi au niveau surtout du casting féminin, ils n'ont pas pris des débutantes. Ouais. Parce que Mais qui me par contre, par souvient. exemple, moi, j'ai un problème avec. Bah, c'est dans mes points négatifs. Ouais. J'ai un problème avec Kim So-yeon. Tu Oui. vois, parce que je trouve qu'elle a des mimiques au niveau du visage. Elle essaye de faire passer une émotion avec son visage, mais en fait, c'est tellement forcé à des moments que ça me bloque. Et j'avais eu ce problème-là dans Gobelin, parce que dans Gobelin, elle jouait une version plus jeune d'un des personnages clés de l'histoire, et j'avais vraiment du mal à suivre à cause d'elle en partie, tu vois. Mais je trouve que là, elle a été bonne un peu au début. Bon, après, quand c'est concentré du coup sur forcément sur son épisode à elle, j'ai eu un peu plus de mal, mais en fait, ça allait avec le drama. Parce que je sais pas si c'est vraiment elle avec elle que j'ai eu du mal, ou comment a été écrit son personnage, en fait. Ben moi j'ai eu l'impression en fait parce que je la suis depuis un moment, je trouve pas que ce soit son meilleur rôle. Elle est vraiment capable de donner de l'émotion, mais vraiment de façon naturelle. J'ai trouvé effectivement moi aussi que c'était assez forcé dans le jeu, donc je pense que c'est plus la façon dont elle a été dirigée cette fois-ci. Ouais, Je crois que parce c'est que plus par ça. exemple, elle a joué dans un drama, je pense que c'était sur une chaîne câblée, c'était avec par rapport avec un fantôme, et je crois que c'était avec un des membres des 2PM. Même. Ah, Ah, Ghost, je sais Ghost, plus quoi ouais. là, ouais. Et bah dans ça, je l'avais trouvée plutôt bonne. Oui, Même ben. si j'avais un problème avec la différence d'âge entre les acteurs, enfin bref. Oui, ça Oui, bon, ça ça, c'est c'est un une autre. autre. Ouais, moi aussi, j'ai eu Voilà. du mal pour ça, mais bon. Donc elle était un peu dans mes points négatifs, mais c'était plus au niveau de la direction finalement, je pense aussi. Et puis en fait, mon plus gros point négatif du drama, et ben, ça a été la fin du drama. Carrément, je l'ai trouvé incompréhensible avec ce qu'on nous montre du début en fait. J'ai Oh pas compris putain. cette fin par rapport à l'évolution qu'on nous a montrée pendant les 7, 8 et premiers épisodes en fait. Notamment avec le professeur, j'ai pas compris qu'il puisse réagir comme ça à la fin, parce que je vais pas donner. Est-ce qu'on spoil ou pas? On spoil, attention, On alerte. spoil! À la fin, il lui dit carrément sortir. Bah, il lui dit la solution, entre guillemets, pour sortir de ce qu'il appelle son paradis. Alors que depuis le début, c'est le gars, en fait, il fait signer des contrats à ses élèves avec du sang, déjà des lycéens qui font signer des. Faut vraiment. Ouais, bon, alors après, ça, c'est C'était le un peu côté un gros. peu fantastique du truc. C'était un peu gros. Ça aurait fait des collégiens, ou ouais, encore. La naïveté des collégiens, mais. En plus, c'est même pas qu'ils le signent avec du sang ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, dès qu'ils disent que oui, ça, le sang, il apparaît comme ça. Ouais, en fait, il y a leurs doigts qui se percent comme par magie, il y a une goutte Voilà. qui tombe, la goutte forme le nom de la personne en bas du contrat, et le lycéen ne s'en émeut pas une seconde. Ils sont un peu envoûtés en fait, en quelque sorte, mais même ça, enfin, c'est quand même gros quand même, quoi. Ben moi j'ai pas été trop J'ai mis. regardante par rapport à ça parce que je me suis dit La si nous prof. si ont utilisé cette technique, oui, le doigt qui se perce tout seul, t'as le sang qui se met, le nom qui s'écrit parfaitement sur la feuille, c'était pour vraiment montrer le côté c'est du fantastique. C'est le dia qui est face à eux, donc c'est vraiment pour montrer aux télé... C'est plus pour montrer aux téléspectateurs, je pense, qu'on est dans un univers Finalement. fantastique et pas dans un univers réaliste. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que quand tu prends ce genre de parti, quand les personnages réagissent comme pouf, c'est normal, ça surprend personne, bah ça casse la crédibilité de ce que tu essayes de faire en fait. Puis finalement, je trouvais pas seulement dérangeant, bah si, mais j'ai dû m'y faire quoi. Mais comme la scène elle dure pas non plus longtemps dans le Ouais, bureau, ça allait. c'est vrai, ça Mais c'était vraiment les derniers épisodes quoi, j'ai pas compris cette fin quoi. va. Je veux dire, elle était. C'était pas logique. C'était Pas. anticlimatique. Voilà, c'est même pas sur une fin ouverte en plus. Bref, c'était dommage parce que franchement, bon, c'était pas une œuvre d'art. Mais c'était un drama appréciable, C'est vraiment vrai. appréciable, quoi. J'aurais pu mettre 7 sur cette fin, tu vois. Ah, Mais parce que là, là, ça tu fait mets 7. quoi? Franchement, j'ai mis 5. Oh, c'est T'es encore gentil, gentil! t'es gentil. Non, parce qu'en fait, j'ai aussi découvert, par exemple, des acteurs, du coup, que je vais suivre. Ouais. Et du coup, ben, ça monte un peu la note, quoi. Et puis, j'aime pas mettre un drama en dessous de la moyenne, en général. Parce que j'ai vraiment aimé les 7-8 premiers, en fait. Bah, 7-8 premiers. Bah, les 8 épisodes, quoi. Ouais, Et ça c'est traîne en juste vraiment à longueur. la fin que. Après, il y avait aussi des problèmes au niveau, je trouve, de certains plans, de cadrage, tout ça. Mais je pense que c'est peut-être parce que la production, elle avait pas les moyens. Parce que les effets, ils étaient pas non plus top top, hein. Ouais. Mais c'était enfin, pas pire qu'une série comme Buffy dans les années 90, Ouais, quoi. c'est bon, là c'est récent quand même. C'est... Mais je pardonne, tu vois, encore ça. Mais voilà, donc la fin, elle n'allait pas. Du coup, est-ce que je conseille ou pas Nightmare Teacher? Moi, je dis oui, jusqu'à l'épisode 10, quoi. Non, non, voilà, c'est ça. Ne regardez pas la fin. Surtout, ne cherchez pas à comprendre comment ça se finit. C'est pas la peine. C'est ça? En gros, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu veux dire quelque, enfin, rajouter tes impressions ou pas? Non? Oui, toi? Ah bah oui, moi j'attends toujours. Voilà, ok. Du coup, moi, en point positif, on va commencer par là parce que ça ira plus vite. L'ambiance était bonne, notamment le générique avec la petite musique, la façon dont l'espèce de filtre un peu vieilli sur les plans et tout ça, ça nous met dans une bonne ambiance, qui est super important parce que drama très court, format de 20-25 minutes, donc faut nous faire rentrer dans le truc très vite. Et ça, c'est pas trop mal fait. La mécanique de répétition est plutôt efficace. Forcément, ça m'a rappelé le manga La Fille des Enfers, vous connaissez? Oui. Voilà. Donc c'est le même genre de mécanique répétitive. C'est la thématique du pacte avec le diable, le basique, quoi. Et cette mécanique de tu vois une première personne à qui ça arrive et de ça machin. Et après, en fait, comme tu sais comment ça fonctionne, ben, t'appréhendes de voir comment ça va tourner pour cette personne qui a son cas particulier. Ça aussi, j'ai bien aimé, c'est que chaque élève avait donc sa situation particulière. Aucune situation ne ressemblait à celle des autres élèves. Et en fait, donc du coup, là, au niveau de la structure, c'était détaché en 2 épisodes. Le Et premier puis, épisode. Vas-y. en fait, bah, je te rejoins encore une nouvelle fois sur ça, parce qu'en fait, la thématique, c'était les thématiques des élèves, des problèmes des élèves, c'était des trucs qu'on peut, pas bah, forcément nous, ça fait longtemps que j'ai pas été lycéenne, mais Oh, ça par va, t'es exemple, pas si vieille que ça non plus, hein, qu'est-ce que je dirais, moi? je veux De dire, comprendre, ouais. le fait d'être toute seule, ne pas forcément d'avoir de vrais amis et d'avoir cette C'est très envie. universel, c'est très Voilà. universel. Voilà, c'est ça. Et du coup, au niveau de la structure, en fait, dans le premier épisode, on va voir les problèmes de la personne. On va la voir, donc aller voir ce professeur qui va lui proposer une solution. Et on va voir la solution commencer à dégénérer. C'est-à-dire que dans le premier épisode, ça se finit pas, genre tout se passe bien pour la personne. On commence à voir que ça va mal se finir. Et dans le deuxième épisode, non seulement donc on voit exactement en quoi ça se termine mal, mais ça va vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que. Toi, tu te dis, ah bah oui, il va se passer ça. Sauf qu'en fait, ça va encore plus loin que ce que tu imaginais. Ça va vraiment, ça tourne aussi mal que ça peut tourner, en fait. C'est ça qui est sympa à voir parce que du coup, tu t'imagines pas à quel point ils vont tomber bas, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ça joue bien sur l'ambiance. C'est super oppressant et tout. Donc, les cas, ils étaient intéressants, ils sont bien développés, et du coup toute la première partie du drama c'est cool, c'est construit, c'est comme en fait quand tu regardes des séries policières où tu connais le schéma de l'enquête et tout, là c'est pareil, on te fait rentrer dans un schéma, tu sais à quoi t'attendre mais tu sais que les problèmes vont être nouveaux à chaque fois, du coup c'est à la fois familier et en même temps t'arrives à accrocher, donc ça c'était bien réussi. Le problème, donc, c'est que le truc est fini à la zobe, hein, on va dire clairement. On en discutait avec Jenny, on se demandait si c'était pas des problèmes au niveau de s'il y avait un autre réal qui avait pris le projet, ta, ta, ta, parce qu'il y a plusieurs noms au niveau du scénario, des réalisateurs, tout ça. Et il se trouve qu'en fait, on nous installe vraiment une ambiance, une trame, et quand on arrive au point où on veut en fait expliquer le cadre, c'est-à-dire le professeur, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, tout ça, en fait, il n'y a pas de fond. Le mec, il est juste là, il se pointe, il fait signer des contrats, et en fait, il n'a pas d'objectif. À la fin, on s'attend à avoir ses motivations, on ne les a pas. On n'a pas ses motivations, on a juste, ah ben moi j'ai fait ça comme ça, à la fin, je suis prête à tout effacer si vous voulez que j'efface tout. Et hop, et je repars comme je suis venue. Et tu te dis, mais pourquoi le mec, il a fait ça? Tu sais pas, forcément, en fait, au début, tu t'attends à ce que ce soit, voilà, un genre de démon, un genre de truc comme ça et tout. Mais ça, c'est pas creusé, en fait. Au final, le drama ne te sert qu'à creuser les problèmes des personnages, et la structure dans laquelle ça se plante, en fait, n'est jamais explicitée clairement. Et du coup, bah, tu restes sur ta faim, parce que tu dis, enfin, t'as l'impression de découvrir les pièces d'un univers, et au final, tu te rends compte que t'as des pièces, mais t'as pas de puzzle final. C'est super frustrant, moi, qui attends Ouais, on monte à... Il nous faut monter un château de cartes et il s'effondre, quoi, à Et ça, la fin. au final, en plus, je veux dire, à un moment, il lui sort une phrase à la fin, c'est genre, c'est un cauchemar et tout, et tu fais, bah ouais, tout était dans le titre, en fait. Voilà. C'est comme si Harry Potter s'appelait Le méchant meurt à la fin, quoi, tu vois, c'est... Du coup, t'es en mode... Oui, mais En non, fait... et y a pas, voilà, et c'est ce qu'on disait en plus, le truc, c'est qu'à la fin, plus ou moins, les gens se rappellent pas trop de ce qui s'est passé, et du coup, ils ont pas pu apprendre de leurs erreurs non plus. Enfin, grosso modo, Voilà, tout ça ça n'a servait servi à rien. rien. Personne n'a appris de ses erreurs, le professeur, il en a rien retiré, personne, en fait, on arrive, le drama se termine, on revient au début du drama, ça pourrait recommencer Voilà. tout pareil, en fait. Et du coup, toi-même, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps, en fait, du coup. Tu sais que les élèves, en gros, eux, ne se rappellent pas, mais que la déléguée, là, Kanyerim, bah, le personnage principal, s'en souviennent, au moins elle. Parce Ben oui, que, mais même c'est pas elle. au moins elle. Tu vois, Ah oui, alors, ça ça aurait aussi, été plus logique. le personnage principal, faut en parler. Le personnage principal, au début, quand les autres persos, donc, ont leurs propres problèmes dans les épisodes, elle apparaît un peu de temps en temps et on voit qu'elle essaye de comprendre ce qui se passe, qu'elle Ouais, comprend et qu'il se qu'on passe a quelque fait une chose. Et en fait, à la fin, ben dans les derniers épisodes complètement foirés, du coup, il y a un focus sur elle, justement, parce que ça reste le personnage principal. Et en fait, on s'attend à la façon dont les événements sont expliqués, qu'elle comprenne quelque chose sur elle-même. Qu'on découvre qu'en fait, je sais pas, il y a quelque chose dans son passé, qu'elle-même a soi spéciale, quelque chose comme ça. Et ça prend cette direction, et en fait, non. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se retrouve face à une version enfant d'elle-même. On se dit, déjà, on se dit, elle va tiquer, elle va dire, merde, il y a un truc, il y a une version enfant de moi, ça la choque absolument pas. On se dit, elle va apprendre des trucs sur elle-même, elle va se rappeler un souvenir de son enfance, que dalle, que dalle, que dalle. La version enfant d'elle-même ne la guide pas quelque part, ne lui sert pas à comprendre quelque chose, ça lui sert à lui tenir compagnie sur le moment. Mais il n'y a pas de discussion très profonde avec cette personne ou quoi. Et en fait, voilà, on se dit, en fait, le problème de ce drama, c'est que quand on le regarde, on est plus intelligent que lui. On se dit, ah ouais, ça essaye de faire ça, ça essaye de faire ça. Et à la fin, en fait, on se rend compte que ça essaye rien du tout. En fait, Voilà. comme tu disais, le scénario, il tient pas la route et tout ça. Et en fait, le drama, c'est dommage qu'en fait, le problème, c'est vraiment par rapport au scénario et sûrement à la direction de la réalisation. C'est ça. Parce qu'en fait, vu les acteurs, par exemple, le professeur, il est joué par, comme je disais, Ung-Ki-Jung, et c'est un excellent acteur. Il joue rarement des rôles principaux. On le voit toujours un peu en fond, parce que malheureux, parce qu'il est considéré, entre guillemets, c'est pas une belle gueule, tu vois. Ouais, oh bon, je trouve tout mieux. Ouais, moi aussi, Bon, mais mais c'est pas le beau tu gosse, sais, c'est c'est pas lui, pas, il joue quoi. pas le gars dont la fille doit tomber amoureuse. Voilà, c'est Dommage. plutôt, il joue plutôt les méchants ou les médecins et tout ça, mais il joue bien son rôle et on le voit souvent dans plein de dramas et films quand il est au second plan. Mais quand tu vois un drama ou un film avec lui, tu le remarques tout le temps. Pas parce que tu le vois déjà souvent, mais parce qu'aussi il est bon dans son rôle. Alors même si tu le vois que 5 minutes par épisode, Donc franchement, ça va. Et juste aussi, pour terminer là-dessus, on a une scène à la fin, on a une scène post-générique. Et en fait, généralement, les scènes post-génériques, c'est pour apporter de la profondeur ou ouvrir la fin du drama ou quoi. Et là, en fait, ça apporte au drama, ça lui apporte du non-sens. C'est-à-dire que la fin n'avait déjà pas trop de sens. Tu disais, ouais, en fait, tout ça pour ça, pff, il s'est rien passé, je comprends pas, il n'y a pas eu de motivation des personnages et tout. Et à la fin, on te rajoute une scène pour te faire comprendre qu'il s'est passé un truc, sauf que le truc en question, en fait, il est incohérent avec le déroulé du drama. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que cette scène fout là? Parce que ça fait genre, ah ouais, en fait, c'était ça, c'était mystérieux et tout, tout tournait autour de ce personnage, en fait. Sauf que l'attitude de tout ce personnage pendant le drama n'est pas en cohérence avec si cette chose s'était passée avant, effectivement, tous les événements. Donc, voilà, Alors, c'est attends, what the fuck excuse-moi. jusqu'au bout, quoi. Attends, je te coupe. C'est de quelle scène tu parles? Parce que là, moi, tout ce que j'ai en tête, là, c'est on voit la photo et le professeur disparaît de la photo. Alors, la scène post-générique, c'est celle avec le mec, il lui a donné son appareil photo. C'est tout à la fin, c'est après le générique. Tu l'as pas vu? Bah non, c'est non, mais c'est que ça m'a pas marqué. Mais c'est parce que je pense que j'ai pas la même lecture du drama que vous. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas tilté sur la sur cette scène post-générique. On t'en veut pas, de toute façon, tu sais, c'était tellement dur à suivre à la fin que... Ouais, donc au final, bah, la fin du drama est très mal écrite, n'a pas de sens, et on se rend compte que voilà, au final, il n'y a pas de déroulé logique, ça apporte rien de spécifique. Et du coup, moi, je le recommande pas spécialement, à part effectivement si on se passe de la fin, et si on regarde que la partie qui est épisodique, c'est super intéressant de voir le déroulé de comment les choses vont se passer mal pour chaque élève. Ça, honnêtement, c'est sympa. Ouais, faut, la fin, faut la zapper, quoi. Elle sert absolument à rien, à part à t'embrouiller et te décevoir. Franchement, vaut mieux rester en suspens que terminer sur cette fin. Donc moi, je lui donnerai carrément un 4, perso. Et si vous voulez découvrir des acteurs, actrices, Oui. pas forcément à part l'actrice principale hyper connue, que j'ai été voir un peu les fiches de chaque Ouais. acteur-actrice, bah, allez voir leurs autres projets, parce que je pense que c'était quand même un bon début pour eux. Parce qu'il y a beaucoup commencé dedans, en fait, aussi, hein. D'accord sur le fait que la fin n'était pas très logique, mais en fait moi je l'ai pris dans le parce qu'il y a beaucoup de dramas en fait qui se terminent de façon anticlimatique. C'est très intense au début, au milieu Qu'est-ce que et puis t'entends après par anticlimatique, ouais? parce que après quand t'arrives et t'arrives à la fin tu te dis mais on a fait tout ça pour n'avoir que ça. Mais en fait moi j'ai compris que le rôle du professeur c'était vraiment de pousser les élèves à se connaître eux-mêmes. Oui, mais justement, il se rappelle pas, alors. De ce qui se passe. Mais après, donc justement là, le problème c'est qu'il y a un manque de logique parce que moi je vais même plus loin, c'est même pas juste les élèves ne se rappellent plus de ceux qui ont disparu, c'est mais ces élèves-là, qu'est-ce ils devraient avoir une vie en dehors du lycée. Ce que je n'ai pas aimé en fait, c'est qu'on n'a pas passé suffisamment de temps pour établir les règles de l'univers. Oui, avec les parents, Par tout ça, exemple, parce qu'il dans y a White beaucoup. Christmas, ils sont en pensionnat. Donc c'est Mmh. logique qu'on ne parle pas de la vie qui est autour. Tandis que Ouais. Et là, pourtant, on a leur traumatisme personnel et tout. Donc, au final, voilà, on sait un petit peu ce qui. En fait, tous leurs problèmes viennent pas de l'école, déjà, la plupart. Donc, voilà. Oui, non, enfin, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si, quand tu fais un truc en huis clos, tu peux comprendre qu'on ne parle que de ça. Mais là, le fait qu'on soit dans leur salle de classe quasiment tout le temps. Mais après, il y a, je crois que c'est le troisième personnage, c'est celui qui veut absolument réussir. Il veut être le premier de la classe. Oui. Et du coup, il boit beaucoup. Il boit une boisson magique, mais en fait, ça efface sa mémoire au fur et à mesure. Et Il il est oublie qui devenu il est. fou. Il oublie qui il est. Mais Oui. lui, il rentre chez lui le soir. Il a des parents. Oui. Il fait autre chose. Il fait autre Oui. chose à part être au lycée. Donc, et Ouais. c'est ça, donc du coup, quand les élèves disparaissent, la police n'est pas prévenue, il n'y a pas de recherche. C'est ça Et que. puis, C'est tout, c'est c'est ce une truc. classe parmi tant d'autres. C'est pas un lycée avec une seule classe. Voilà, Le c'est ça. directeur de l'école, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors après, peut-être que ça aurait un peu plus de sens si on avait construit l'histoire sur une journée. Voilà. Oui, Donc là, si, ça ouais. aurait été une journée et tout se passe dans la même journée, sur les 24 heures. Ou une On est aussi sortie de dans un classe, pensionnat, tu donc sais. c'est normal qu'on ne parle pas de la famille. Mais là, c'est le manque de logique, là, les règles de l'univers qui ne sont pas posées au début, ça, c'est le truc qui m'a profondément déplu. Parce que c'est pour moi c'est le plus important. C'est parce que je cherche toujours pourquoi les personnages font telle chose, pourquoi tel événement se produit, et si on m'explique pas avant que c'est pour telle raison, j'ai du mal à accrocher. Ils n'ont pas posé les bases en fait. Non, pas du tout. Ensuite, j'ai aussi aimé le fait que les personnages soient bien développés. Après, ça reste quand même assez cliché. La fille qui veut absolument se faire accepter par ses amis. Le garçon qui veut devenir le Effectivement. plus populaire. En fait, ça tourne beaucoup autour de la popularité. Se faire accepter Ouais. de ses pairs, enfin de Mais ses camarades. après, en ça, au final, c'est ça qui le rend super universel, parce que cet âge-là, c'est ça qui compte au final. Et du coup, en fait, après la fin du drama, vu que je comprenais pas forcément la fin, j'ai été voir un peu sur le net les avis et tout ça. Et beaucoup me disaient la même chose, que c'était aussi. Bah, c'était un peu futile, les raisons des élèves. Non, c'est Mais pas. Non, bon, moi je dis pas que c'est c'est pas futile. futile, mais. Non, je dis pas que c'est futile, mais je dis que c'est cliché dans le sens où les dramas coréens restent beaucoup. Enfin, parce que Reste je m'en parle un petit sombre. peu après quand on va parler pour The Flatterer, mais les dramas coréens scolaires, ils restent beaucoup sur les mêmes thématiques, mais ils les traitent de la même façon. Sur le harcèlement scolaire, sur. Alors, à l'inverse, quand on compare avec les dramas occidentaux, nous on est très tournés sur l'amour. Et Donc moi, c'est je pour trouve ça que t'as raison. qu'une série comme Skins, il y a 10 ans, ça a jeté une bombe en fait dans le paysage audiovisuel, parce que du coup on montrait vraiment c'était plus les adolescents fleurs bleues, c'était vraiment les adolescents hardcore. Au Bah, c'est un point peu où le but. maintenant, ben, quand on les montre hardcore, ça fait bizarre parce qu'on se dit non mais c'est plus réaliste. De voir des adolescents qui sont en train de se droguer tout le temps et tout. Bon, après, je ne suis pas Ouais. adolescente, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon, à un moment, ils sont allés tellement loin dans la surenchère des rebelles, de la rébellion, de l'âge où c'est la rébellion, que maintenant, ça fait plus crédible. Et bah, c'est un peu le problème que j'ai avec les K-dramas en général, c'est que quand il y a un succès d'un drama de n'importe quel genre, on va avoir toutes les chaînes qui vont reprendre le même type et ils vont prendre les mêmes points. Et c'est un peu ça que j'ai du mal avec les dramas coréens. Par exemple, je pense à un drama scolaire japonais qui était génial, c'était Life qui parlait Je l'ai jamais regardé jusqu'au bout parce que qui c'était trop parlait d'un trash. qui C'était trop parlait trash. d'harcèlement scolaire et tout. Et en fait, connaissant la situation au Japon par rapport à ça, bah même en Corée, y a un taux de suicide énorme par rapport bah déjà par rapport à la société qui met des pressions énormes et les parents et tout ça, mais aussi par rapport les élèves qui sont en gros tout le temps c'est qui est-ce qui va être le meilleur, il suffit que t'es un peu discrète ou discret, tu t'en prends plein la gueule, quoi. Et bah là, il se trouve, le drama japonais, c'est l'un des meilleurs dramas scolaires que j'ai vu sur le harcèlement, quoi. Ouais, il est très très très bien live parce qu'il voit, enfin, il met l'accent sur le fait que, bah, qu'à cet âge-là, au final, ça dérape à partir de rien, mais ça peut aller beaucoup beaucoup trop loin. Voilà. Et les adultes ne prennent pas la pleine conscience de à quel point ça peut partir loin et l'importance que ça peut avoir, même psychologiquement et même au niveau de physiquement, au niveau des agressions et tout. Mais moi, Life, j'ai jamais pu aller au-delà d'un certain point parce que honnêtement, ça devenait un petit peu gore et moi, ça me faisait flipper à chaque fois au niveau des agressions physiques, là, quand ils veulent lui faire avaler des aiguilles et tout. Putain, c'était horrible. J'arrivais pas à moi. Enfin, t'as une espèce de pression psychologique où t'as l'impression que t'es victimisé en même temps que la victime dans Life, c'est horrible. Ouais, donc je continue sur ce que j'ai. Moi, j'ai compris qu'en fait, le message, c'était que les élèves, enfin, c'est parce que comme c'est l'adolescence, c'est la période où on se cherche. Donc, c'est plutôt le côté découvre-toi toi-même. Ne cherche pas à renvoyer l'image que tu penses qu'on attend de toi. Ouais. Et établis Cherche toi-même à tes ton propres intérieur, valeurs. quoi. Établis toi-même tes propres valeurs de ce qui est important pour toi pour chercher ensuite à y correspondre. Mais ne cherche pas à être, par exemple, bah pour. Et c'était ça le. Et du coup, je pense que c'est ça que le dilemme de Yelim à la fin, il paraît moins intense que celui des précédents, parce que les précédents, c'est très autour des autres. C'est leur rapport aux autres, tandis qu'elle, c'est le rapport à elle-même. Ouais, mais c'est pas creusé, donc. Voilà, donc c'est ça. Et peut-être qu'ils auraient dû développer sur Plusieurs un autre épisodes. épisode, peut-être un autre épisode en plus, pour un peu plus. Pour aller Ou plus loin dans soit, son personnage. ou Mais soit ils auraient dû du coup, c'est développer, je ça que pense. moi j'avais trouvé intéressant, c'est le fait qu'on parle du rapport à soi. Tandis que les autres, c'était tourné sur comment s'intégrer dans le groupe. Et elle, elle cherche pas à le faire. Oui, C'est pas sa priorité, c'est juste réussir à être en accord avec elle-même. C'est ça que j'ai je trouvé comprends. universel dans son personnage, mais qui n'a pas été suffisamment exploré. Et franchement, enfin, on ne peut pas trouver de manière satisfaisante de comprendre ou de boucler des théories là-dessus, parce qu'au final, il n'y a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de matière, et à chaque fois qu'on va dans un sens, il y a un autre détail qui bousille toute la théorie. Bah après, Donc ouais, je pense que voilà. c'est ça aussi qui est intéressant pour les gens, parce que je suppose que d'autres personnes qui ont regardé le drama ont certainement eu le même cheminement de pensée en se disant, Ouais, ouais, aussi, peut-être que voilà, ça aussi. Donc ne mais vous après, je inquiétez pense pas, même. vous êtes aussi perdu que nous Voilà, sur la fin. c'est ça. Et du C'est coup, tout à fait normal de ne pas avoir compris la fin. Pour conclure sur le sujet par rapport au drama scolaire qui montre le côté sombre de la nature humaine, avec Nightmare Teacher. On voit, donc là on a utilisé le personnage du professeur comme fil conducteur pour observer plusieurs types de clichés sur ce que vivent les adolescents et jusqu'à quel point ça peut dégénérer. Et on reste toujours sur le côté école. et non, c'est pas oui, école, mais aussi la connexion aux autres. Parce que Ouais, là, c'est on va ça. parler de The Flatterer, c'est pas du tout l'angle d'attaque. C'est pas du tout la Oui, même c'est chose. là, c'est très social en fait dans Oui, l'approche du c'est coup. très social. Donc là, on va passer à The Flatterer. Donc c'est le titre original, c'est Abujang Yap. C'est un webdrama de 2015 qui a été adapté d'un webtoon. Il y a 12 épisodes. Et en fait, il raconte l'histoire de Park Gun, qui est entré, en fait, c'est un bagarreur, et il est inscrit au lycée de la dernière chance pour des jeunes qui veulent obtenir leur bac. Et quand je dis c'est vraiment la dernière chance, c'est dans le sens où la plupart des personnages lycéens masculins, en fait, ils sont dans la vingtaine. Ils ont genre Ah 24, 25, oui. 26, 27 ans. Donc, mais ils veulent absolument, et ce sont des ex-membres de gang, mais ils veulent absolument avoir leur bac. Donc, ils sont inscrits dans ce lycée. Sauf que à la base, Park Gun, il était le bagarreur, il était un peu le roi de son ex-lycée. Là, il se retrouve le souffre-douleur. Il devient vraiment le bouc émissaire de ceux qui sont plus âgés. Et en même temps, parce qu'on ne peut pas faire un drama sans qu'il y ait, enfin, une histoire sans qu'il y ait un peu d'amour, d'un autre côté, il y a Yvonne qui est la capitaine de l'équipe de judo. Qui tombe amoureuse de lui et ça forme un triangle amoureux avec Yu Dechi, qui est l'ami d'enfance de Bonki. Donc À partir voilà, de donc là, c'est c'est ça. Et en clair. fait, toute l'histoire, c'est. Donc sur les 12 épisodes, on voit comment Park Gon fait tout pour échapper à sa condition de souffre-douleur. Et sauf que toutes les tentatives, tous les plans qu'il met en place échouent lamentablement. Mais à la fin, il y a un petit espoir que peut-être il pourra peut-être retrouver une vie de lycéen à peu près normale. Mais c'est pas top top. Et du côté des acteurs, donc le personnage principal, c'est quoi? Il est joué par Kwak Dong-yeon. On l'a vu récemment dans. Il a joué dans plein de dramas, mais c'était plutôt des petits rôles. Mais là, il était dans Fight for My Way et Ah oui. Reunited Worlds. Ça, c'était vraiment en 2017, c'est vraiment tout récent. Ouais, mais c'est encore en cours en plus. Ouais. Ensuite, il y a Ibonki, donc c'est la fille. Elle est jouée par Bora, des Six Stars. Je dis toujours Bora des Six Stars, parce que bon, ben, Oui, bah même oui, si Six Stars, c'est la c'est. référence. Voilà, c'est Bora des Six Stars. Et puis, ben, Yu Dechi, c'est celui qui est joué par Lee Jae-jin, des FT Island. Il est super chou dedans. Oui. Et donc voilà, donc pour. Ben, Vicky, donc Jenny, toi, tu n'as pas vu le drama. Bah, j'ai regardé un épisode et franchement, je savais que j'allais pas aller plus loin. En fait, le problème, c'est que comme je l'avais jamais vu, comme Nightmare Teacher, et que j'ai eu du mal avec la fin de Nightmare Teacher, j'ai eu du mal à enchaîner sur celui-là. Ouais, donc je peux pas vraiment en parler du tout là. Ok. Donc Vicky, toi, qu'est-ce que t'en as Ouais. pensé? Bah, moi déjà, bah, je l'ai réussi à le finir un peu dans la douleur parce que voilà, c'est bah, heureusement, les épisodes font entre une quinzaine et une vingtaine de minutes. Je crois qu'il y en a un qui est très long qui dure 23 minutes, mais il y en a qui font 12-13 minutes, donc c'est très fluctuant comme format. Honnêtement, c'était compliqué à suivre parce que, en fait, on se demande où ça va dès le début. Et le problème, c'est que comme ça fait qu'une douzaine d'épisodes et que le format est court, normalement, on doit te poser très vite les problématiques te faire comprendre dans quelle direction ça va. Parce qu'on comprend un peu les motivations du perso. Il arrive, il veut avoir son diplôme. Au final, c'est compliqué de s'intégrer tout de suite. Mais enfin, tu comprends pas trop dans quel sens ça veut aller. En fait, c'est factuel, tu comprends quelle va être la petite prochaine étape qu'il va essayer de faire, mais enfin, t'arrives pas à voir au long terme ce que ça va donner. Et comme un truc pareil, comme c'est court et tout, il faut que ce soit un minimum structuré. Et du coup, moi, ce que j'en ai pensé de positif quand même, c'est que ce qui est amusant, c'est que t'as beaucoup les pensées des personnages, et tu vois les personnages qui sont super bravaches et qui sont super en mode on joue la virilité, on joue le mec qui se laisse pas intimider, et en fait, enfin, quand t'entends leurs pensées, c'est un peu la panique dans leur tête en fait. C'est un peu OMG, je vais me faire tabasser, comment je vais m'en sortir et tout. Ça, c'était amusant, c'était pas mal joué parce qu'au final, tu vois que les adolescents, bah surtout masculins, parce que là c'est très ciblé sur les mecs qui se battent et tout, tu vois que voilà, ils font un petit peu leur kéké et tout, mais en fait, bah ils sont flippés comme tous les autres quoi. Et du coup ça c'était intéressant, il y a des situations qui sont pas mal loufoques au niveau des combats où tu sais que ça va pas très bien se terminer, ou enfin tu les vois par exemple tous s'attraper par l'entrejambe en serrant très fort, et sauf qu'ils sont 3-4 à faire ça en mode chaîne quoi, ils ont l'air de parfaits idiots et tout, bah, c'est un peu drôle quoi. Bah ça Mais c'est ça, bah ça par exemple c'est une des scènes qui est vraiment prise du webtoon. Ouais, voilà, ben Je voilà, trouve donc ça au bizarre. final la bonne matière est visiblement prise du webtoon, mais voilà, c'est ce que les dramas coréens savent tous bien faire en règle générale, donc c'est pas un truc que t'as envie spécialement d'attribuer à ce truc-là. Et du coup, ben, j'ai plus de points négatifs, notamment les relations sont assez sans intérêt, c'est assez survolé, vu que c'est des formats courts, qu'on essaye de nous foutre beaucoup de personnages, hein, parce que voilà, il y a le gang avec tous les suiveurs, il y a une intrigue avec les adultes, enfin les professeurs Du du lycée. lycée aussi, qui ont une intrigue amoureuse entre eux, il y a deux couples qui essayent de se former, tatata, machin. C'est laborieux, et un truc laborieux et moyennement bien écrit sur du court terme aussi, c'est compliqué d'accrocher et de s'y intéresser. Franchement, honnêtement, t'en as rien à foutre. T'arrives pas à vraiment t'accrocher au perso et tout, Mais en enfin, plus, le personnage du professeur là, il est très différent du personnage du webtoon. ah ouais, en Parce que dans le quelle façon? webtoon, c'est vraiment le gros nerd. Ah oui, effectivement, là, il a l'air juste gentil et très calme, Ouais, et puis c'est tout, quoi. tandis que dans il est vraiment je l'ai trouvé plus sympathique dans la version webtoon que dans la version webdrama là, je Ouais, trouve qu'il fait il est suffisant, il fait arrogant. dans le web drama, il peut être. Ah, tu parles du professeur, tu parles du riche ou du pauvre? Non, du riche, pas du pauvre. Du riche. Ah, le riche, il est très vite agaçant, effectivement, parce que tu sens qu'il veut faire genre je suis une personne normale, et donc je vais la séduire par moi-même. Et après, il est en mode oh, mon Dieu, moi qui suis si riche et si intelligent, comment ça se fait qu'il m'aime pas? Et du coup, t'as un peu envie de le claquer, effectivement. C'est Alors pas. que dans le webtoon, comme il est pas du tout sûr de son physique, il a vraiment l'impression qu'on ne peut l'aimer que pour son argent. Donc Ouais. c'est pas du tout. Enfin, Ouais, ben non, j'ai ouais. trouvé bizarre. Là c'est Non, pas c'est pas creusé ça. du tout comme ça. Tout est très très superficiel du coup. Voilà, il y a pas mal de répétitions aussi, je trouve, dans les scènes de combat. En fait, enfin, ça devient répétitif la façon dont il va se faire victimiser. Il est toujours là, oh là là, si je leur obéis pas, ça va mal tourner pour moi. Mais j'ai pas envie de leur obéir, donc je me fais taper. Et en fait, c'est une espèce de cycle qui est pas très intéressant parce qu'on les voit faire leur kéké, on les voit lui taper dessus, il s'en sort qu'une fois sur deux. Enfin, je trouve que c'est pas intéressant en fait. Je veux dire, si la seule leitmotiv du drama, c'est est-ce qu'il va se faire taper, et quand il va se faire taper, à un moment t'en as plus rien à foutre quoi. C'est pas une intrigue en soi quoi. Est-ce que je vais me faire frapper tout le temps quoi. Et aussi il y a un truc qui m'a gênée au bout d'un moment, c'est qu'au final le sujet était traité avec énormément de légèreté dans le web drama. Donc je sais pas si c'est pareil dans le webtoon à la base, mais enfin, t'as l'impression que ouais, c'est genre s'il se fait frapper à mort, t'es un peu là en mode ah ah, tant pis pour lui, c'est burlesque et tout. Et enfin, c'est quand même super violent et très peu pris au sérieux pour ce que c'est violent. C'est pas de la violence genre la violence un peu verbale et on fait genre on va se taper, et au final on se tape pas trop. Je veux dire, il y a pas mal de cocards de lèvres en sang et tout, et au final c'est très pris à la légère quoi. Et à un moment je me dis, ouais, c'est un peu grave quand même comme sujet, il faudrait peut-être qu'ils le prennent un petit peu au sérieux, et pas du tout quoi. Du coup, donc j'ai dit les relations sans intérêt, la violence, trop de répétition, et la fin abrupte, du coup, au final, ce qui m'a gênée aussi. Parce que, enfin, grosso modo, l'épisode final n'est en rien différenciable de tous les autres épisodes. Tu vois que sa situation commence à s'améliorer, qu'il commence un petit peu à mieux gérer ses relations et tout. Et au final, ça se finit avec la romance, en fait. Que la romance, elle a toujours été en background. De temps en temps, en fait, t'as des jolies images de Bora qui est en mode « Ah là là, je commence à tomber amoureuse et tout, machin. J'écoute des chansons de girls band toutes pures et toutes mignonnes. Et je pense à lui et tout. » Mais t'as des moments comme ça, ils sont OSEF, ils sont intégrés entre les scènes de bagarre pour genre on respire un peu. Mais on n'en a rien à foutre, quoi. Ça creuse pas ni les sentiments de l'un ni les sentiments de l'autre. T'as juste l'impression qu'ils vont se tomber dessus à un moment et que ça va se faire et que voilà. Le mec, il en a à moitié rien à foutre d'elle aussi. Donc au final, c'est elle qui fait du forcing pour l'embrasser à la fin. T'as le meilleur ami d'enfance qui fait quoi? Vous vous embrassez? Pouf! Fin de l'épisode. Et c'est chaud. Ouais, non, Non, mais. mais t'en as... Et du coup, toi, t'en as rien à foutre. Tu te dis, ah ouais, comment ça va se développer après? Et puis non, en fait, il n'y a pas de après. C'est générique. En fait, c'est un peu le problème des K-dramas en général, que ce soit des voix de drama ou pas. C'est soit ils te font 20 épisodes, je parle pas des dramas avec 100, les dramas quotidiens, je parle pas de cela, Ouais, les mais je parle par hebdomadaires. exemple des 16-20 épisodes de drama, bah, on va bloquer jusqu'au niveau 16 parce qu'il y aura plus. Ça va être long jusqu'au dernier épisode. Et les web dramas, bah, le problème c'est qu'ils veulent faire plein de trucs. Ça survole, ouais, du coup. Et ça survole, alors que dans les dramas plus longs, c'est le contraire. Oui, ça s'appesantit sur les dramas plus longs, c'est horrible. C'est que ça vient de plus, c'est comme si en fait, limite un web drama aurait plus de chances d'être un drama entre guillemets normal. Et on a des dramas normaux qui auraient pu être des web dramas tellement que c'est ils savent pas gérer la gestion des Oui, épisodes. la gestion des... Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, grosso modo, dans les C'est pas webdramas... ça. Ouais, non, mais je vois, je vais... C'est ce que je veux dire. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que la quantité de données qu'ils veulent traiter dans les webdramas est trop importante et ils le font mal, alors que dans les dramas longs, au final, ils ont très peu de matière qu'ils étirent sur la longueur, alors que c'est pas nécessaire. C'est ça? Voilà. Ok. Merci. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des fois des dramas clairement où il se passe pas grand-chose et tu sens qu'ils étirent, ils étirent, alors qu'il n'y a pas besoin d'autant d'épisodes. Et voilà, les webdramas, enfin, au contraire, ils auraient assez de matière pour faire un drama complet qui soit consistant et ils se contentent de tout survoler et même pas, ils pourraient enlever et se dire, tant pis, cette matière, on la laisse tomber, on n'a pas le temps de la traiter. Mais non, ils vont essayer de traiter un petit peu tout et du coup de rien Voilà. aboutir. Et c'est très pénible à regarder, c'est très pénible à regarder. Autre chose à ajouter ou... Non, juste que par rapport, après je pense que ça justifie avec le webtoon, The Flatterer, donc en français Le Flatteur, je trouve que le titre est moyennement justifié pour le webdrama parce qu'au final, il n'y a qu'une seule personne qui va essayer de flatter pour bien se voir un petit peu. Les autres, au contraire, il a un peu tendance à leur rentrer dans le lard n'importe comment et du coup, appeler ça Le Flatteur, je suppose que si le webtoon continue, ça va être justifié par la suite un peu plus. Mais dans le webdrama, clairement, le flatteur, bah, pas trop quoi, il fait un peu le cake et tout. Bah en fait le webtoon il est fini. J'ai vraiment survolé hein, parce que ça me plaisait pas du tout. En plus j'aimais pas trop le design donc c'était compliqué de rester, enfin d'avoir envie de lire jusqu'au bout. Mais en fait je trouve que les premiers épisodes du webdrama sont assez représentatifs, enfin ils restent assez fidèles à ce qui s'est fait dans le webtoon. On reprend certaines scènes comme la scène que t'as citée là où ils Ils attrapent s'attrapent les par parties. l'entrejambe et tout, ça fait une chaîne, c'est très drôle, ils osent pas se lâcher, parce que s'il y en a un qui lâche, il se dit peut-être que l'autre va continuer à le tenir. Bon ben moi perso j'ai pas trouvé ça très J'ai drôle, enfin ça une va faire rire question. deux trois secondes et puis après ben on passe à autre chose quand même quoi. J'ai une Mais question. Est-ce que... après le titre, je crois que c'est le flat, enfin, c'est vraiment la traduction littérale. Hein, quand c'est vraiment en coréen, c'est vraiment la traduction littérale du flatteur, mais c'est d'une façon vulgaire. C'est vraiment celui qui lèche les bottes. Voilà. S'il fallait traduire Ouais, en les français, moi bottes, j'aurais plus mis lèche bottes que flatteur. J'ai une question. Oui. Est-ce que le web drama a été tourné avant la fin du webtoon? Oui, apparemment. Oui. Apparemment. Oui. Bah ça fait un peu comme Cheese in the Trap alors. Parce que, à part que Cheese in the Trap, c'était pas un web drama, mais tant pis, j'en parle. Le problème, c'est que à chaque fois, c'est ça, ils attendent pas la fin, et du coup, bah forcément, le drama, il va, le web drama ou le drama, il va avoir une fin. Ben, en fait, les Non, ah non, scénaristes pas vont celui-là, en les. fait, pas ce, c'est pas dans ce webdrama-là. Je pensais à un autre. Non, en fait, le webtoon a fini d'être publié en fin 2012 et le drama, il date de 2013. Fin Donc ouais, c'était 2013. fini quoi. Ouais. Bah alors je me fais encore moins. Mais même la fin du webtoon, elle est un peu abrupte. Comme j'ai dit, j'ai juste survolé comme ça, mais c'était pas. Ouais, bon, ça m'a pas trop plu. Mais bon, ce qui m'intéresse en fait dans le drama, c'est et même dans le webtoon, pour moi, c'est vraiment l'exemple de la banalisation de la violence au lycée. Et il permet de voir en fait la façon dont les groupes de lycéens fonctionnent, et c'est très hiérarchisé. Et en fait, Gon, donc le personnage principal, il obtient le titre, il a vraiment le statut, c'est un statut officiel de celui qui doit aller chercher, c'est lui Le qui. larbin, tu peux le Ouais, c'est dire, le larbin. larbin. Et je sais pas si vous vous souvenez, en 2014, quand il y avait un groupe qui avait débuté, et elles étaient basées sur, je crois que c'était Chilhac Nyon Ilban. Je crois que ça se traduisait par Seven Years, Grade Donc, dans la 1 ou chanson, Class 1, un truc peut-être. comme ça. Et en fait, leur concept, c'était d'être des lycéennes. Et chacune avait un poste représentatif. Il y avait la présidente de classe, la vice-présidente de classe, la capitaine des athlètes, la beauté de la classe. Et il y en avait une, son statut, c'était d'être le larbin. C'est dur. Je veux dire, mais oui, il y avait un gros débat hein, sur Internet. Mais pourquoi justement on leur reprochait de banaliser ce statut, parce que c'est une souffrance quand t'es le larbin de quelqu'un. Ouais. Et donc, mais moi, bon, voilà, je veux dire, dans l'esprit, c'est normal pour eux. La hiérarchie, elle existe, et on ne cherche même pas à Ouais. la contester. Mais ouais, parce qu'en fait, eux, c'est un type de hiérarchie qui s'inscrit dans une société où il y a déjà énormément de hiérarchie d'ancienneté dans les entreprises, de hiérarchie d'âge dans la société en règle générale. Et du coup, pour eux, c'est juste une hiérarchie de plus. C'est pour ça que ça va pas les choquer comme chez nous, où c'est plus horizontal en règle générale, quoi. Donc ça, je pense que c'est un truc qui peut choquer quand on connaît pas trop le système scolaire Ouais. coréen. Et au niveau de la violence aussi, bon, certes, il y a la violence entre les jeunes. Alors le fait que la plupart des personnages masculins sont en fait dans la vingtaine, ça permet de prendre. Enfin, c'est une prise de distance bizarre parce que ça veut dire qu'ils tabassent un gars qui a à peine 18-19 ans. Bon là, alors quand tu le vois sous cet angle-là, c'est un peu choquant. Pas un peu, pour moi, c'est très choquant. Et mais bon, après, on essaie de passer ça en jouant la carte de l'humour. Et en même temps, comme les Coréens, ils sont très basés sur le slap. Ouais, c'est le slapstick, je crois qu'on dit. Tu sais, c'est l'humour en tapant les autres. Genre Ouais, Laurel et je Hardy et sais tout pas. ça, donc c'est Ouais, très je dans sais le pas comment ça visuel. s'appelle par contre. Ouais, c'est le slapstick, je crois. Et moi, Ouais, c'est pas un humour qui me fait rire du tout, donc c'était très pénible de rester assise devant ce drama. ouais. Je Ouais, suis ouais, allée au bout parce que je savais que c'était que 12 épisodes. ouais. Mmh, Mais pareil. c'était compliqué. Et donc je disais la banalisation de la violence à l'école, là c'est aussi la banalisation, c'est la violence des professeurs envers les élèves. Ouais, et ça, c'est un problème de société aussi. Ouais. Alors en fait, en Corée du Sud, officiellement, les punitions corporelles sont interdites dans toutes les écoles depuis 2011. Seulement, tu te rends Oui, compte? seulement. Mais tu te rends compte que les dramas scolaires, ils continuent Ouais. encore de mettre en scène cette violence-là. Et je me Avec dis, les là, à un règles moment, et faut tout ça, non. se. Et en plus, on te justifie ça en disant, oui, mais les mecs, c'est un petit peu des délinquants, et puis du coup, les taper, ça va, c'est pas comme si c'était un pauvre petit mignon et tout ça, machin. Et je trouve que c'est encore plus vicieux parce que enfin, t'arrives à aller dans leur sens à dire, ouais, après tout, il est à moitié délinquant, donc ça passe, tu vois. Et c'est ça qui est super insidieux et qui te met mal à l'aise, Non, et quoi. puis tout simplement tu te dis, ah bah c'est normal, en Corée c'est comme ça, bah en Corée du Sud c'est comme ça, alors que non, en fait, que tu sois coréen, français ou quoi, n'importe quelle nationalité, quand tu vois ça, tu dois te dire, c'est pas normal, quoi. Mais de toute façon, il y a régulièrement dans les faits divers, on parle de lycéens qui se sont fait dépasser par leurs camarades de classe. Enfin, il y a souvent des. Bah, même en France, il y a une Ouais. histoire, je pense que ça date de cet été. Non, pas de cet été, mais ça a été relayé. Bah, c'était juste avant les vacances scolaires. Donc, c'est quand les vacances scolaires, déjà, c'est début juillet, c'est le 3 juillet, un truc comme ça. Bah, un professeur a tapé un élève en lycée. Mais après, et t'as aussi l'inverse, un lycéen qui tape un professeur Ouais. aussi. Il y a eu ça dans les faits divers il n'y a pas longtemps. À cette année, en tout cas. Mais en tout cas, dans les dramas coréens, je crois pas que j'ai déjà vu un élève qui frappe un professeur. On montre Non, toujours, non soit c'est le professeur qui est hyper gentil, hyper bienveillant, plus. ou alors t'as le professeur qui est hyper cynique et qui. Et t'as vraiment l'impression qu'il est là pour frapper les élèves. Il a pas d'autre but dans la vie, c'est ça. J'ai vu un film où un professeur tapait un élève, mais c'est un vieux film, c'est avec Lim Bong Young, un truc comme ça. C'est vraiment vieux, c'est dans les fins d'années 80, début 90, quoi. Ah, Mais je sais c'était pas du bien le tout. professeur qui tapait l'élève, quoi. Ah. Dans la campagne, en plus, c'était tout cliché à la Ouais, campagne. donc ouais, c'est pas pareil. Ça. Mais. Ouais, Ah, donc je du sais plus coup, le nom. voir l'élève taper le professeur, ça. Non, moi j'ai pas vu. Hein. Quand c'est vraiment dans le sens, l'élève. Et que le professeur n'a rien fait. Enfin, c'est pas qu'on mérite d'être tapé, mais je veux dire que le professeur est tranquille et que tu vois l'acte de violence, il vient de la part de l'élève envers le professeur. Moi, j'ai pas vu. Mais en tout cas, dans ce drama-là, c'est clair que on te montre que les professeurs, ils en ont rien à faire des élèves. Le bien-être des élèves, c'est complètement secondaire. Et encore, peut-être que ça n'existe même pas. Ce qui fait que la petite équipe enseignante qu'on nous montre est vraiment cliché. C'est très stéréotypé. Ça fait pas. Enfin, j'ai pas aimé non plus. Tandis que dans le webtoon, c'est un peu plus nuancé quand même. Hein. La Ah. professeure, elle est moins. Elle fait moins. Gamine, elle fait moins naïve, elle fait moins naïve. Le professeur qui est riche mais qui se fait passer pour un pauvre, il est plus sympathique, il est plus adorable, il est plus attachant. Et le celui qui fait le qui tient la boutique de l'épicerie de l'école, dans le drama il n'est pas dans l'école, pas dans le drama, dans le webtoon il n'est pas dans l'école. Il est vraiment extérieur à l'école. Je sais pas pourquoi on l'a rajouté là d'ailleurs. J'ai trouvé bizarre. Peut-être qu'il voulait pas filmer trop de plans en extérieur. Parce qu'en fait, il est fermier. C'est un agriculteur dans le webtoon. Ah ouais, effectivement. Donc c'est pas du tout le même profil de personnage. Mais il y a toujours ce côté bourru qui a du mal à exprimer ses sentiments. Mais je trouve un peu mieux dans le drama, pour le coup, que dans le webtoon. Je le trouve plus attachant. Et Ouais. donc, en gros. Moi, je n'ai pas aimé ce drama. J'ai trouvé que le côté banalisation de la violence était extrême, surtout quand on le fait avec la carte de l'humour. Mais si on veut avoir une idée de comment est représentée l'école en général en Corée du Sud, je trouve qu'il est quand même assez représentatif. On parle du racket, on parle du harcèlement, de la hiérarchisation au sein du groupe. Et puis aussi l'aspect séparation entre filles et garçons. Il n'y a pas de mixité. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que dans le drama, enfin dans cette histoire-là, les filles sont dans une classe, les garçons sont dans une autre. Je ne sais pas si les lycées en Corée du Sud font cette mixité Ben, pas bizarre. honnêtement, pas d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu Non. notamment pas mal d'idoles, en fait, enfin, j'ai vu pas mal d'intérieurs de classe quand il y a des idoles qui retournaient à l'école pour prendre leur diplôme ou quoi machin, et quand tu voyais les classes, elles étaient mixtes, en fait, donc je sais pas trop si c'est. Peut-être Ouais, si c'est des écoles privées. peut-être, je pense que ça doit toujours exister dans certaines écoles, mais honnêtement, je pense pas que ce soit la plus grosse norme, en fait, d'après ce que Ouais, non, moi je je pense pas. vois. C'est. Parce qu'ils décident même pas de leur place, à des Ouais. normalement. Ouais. Ouais. Donc faut pas. Faut, en le regardant, faut pas se dire que c'est. Que dans tous les lycées, il y a la violence ou pas, mais il y a quand même ce côté hiérarchisation. Que certains n'hésitent pas à exercer la violence sur les plus faibles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage de Jong-Chil. C'est celui qui se sert d'une peluche pour faire croire Ah oui! qu'il est Attardez un petit peu. un peu attardé. Alors d'un côté, on peut dire oui, mais c'est pas bien de se servir des déficiences mentales dans ce cas-là. enfin de représenter de cette façon, mais là on montre qu'il s'en sert pour se protéger. Ouais, et surtout tu montres qu'au final, il montre que c'est pas lui qu'on choisit de victimiser. D'ailleurs, même le personnage principal, Paragon, à un moment, il se dit, mais comment ça se fait que c'est le seul qui victimise pas? Oui. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu vois qu'au final, les tortionnaires, ce qu'ils aiment, en fait, c'est justement créer en fait de la peur, de la réaction chez leurs victimes, et qu'au final, quand ils ont une personne qui est un peu trop hors norme pour réagir de façon satisfaisante pour eux, ça les amuse pas de la maltraiter, en fait. Donc, moi je pense pas que le webtooniste y allait aussi loin dans la réflexion d'utiliser ce stratagème pour son personnage. Je pense qu'il Ouais. a plus, il l'a plutôt utilisé pour faire de l'humour. Ouais. Mais quand même, le résultat final, je trouve que c'est intéressant Ouais. de montrer que quelqu'un est capable d'aller aussi loin pour se Ouais. protéger. Et alors qu'on est colissé, quoi. C'est Ouais. dur. Donc voilà, et puis après le dernier point où franchement ça m'a saoulé, c'est les filles, les personnages féminins. Dans le webtoon, elles sont plutôt cool en fait. Ah Ouais, elles font pas cliché, elles sont pas aussi clichés. Là, ouais? Bora, je Ouais, parce que comprends pas. Alors, c'est peut-être. là, t'as la fille qui est vue comme la moche et la brute parce que voilà, elle est grosse, machin et tout, donc faut se foutre d'elle et tout ça, et du coup, elle est brutale, machin. Il y a la peste princesse, voilà, qui tout de suite va vers les mecs en disant, ah, j'ai décidé que tu serais mon nouveau copain, et voilà, et que tout le monde est à ses pieds, donc elle n'a pas l'habitude d'essuyer des refus, mais elle est trop pitoyable au final. Et voilà, et puis après, t'as la fille qui est parfaite, mais qui fait rien pour l'être, tu vois, genre voilà, elle est naturellement. Comme il faut être, elle a le truc de girly et un peu powerful en même temps, et du coup voilà, elle est géniale. Mais après, Donc ouais, elle se crée, voilà. je me dis que c'est peut-être que physiquement, Bora, et puis même son image de fille cool, Ouais. un peu. Parce que son personnage dans le webtoon, c'est vraiment une fille. Enfin, le personnage est dessiné de façon très ordinaire. Ah Mais ouais? Bora, mais je trouve que Bora, dès qu'elle est à l'écran, elle illumine l'écran. Mais bon, c'est C'est peut-être vrai, parce que. mais il y a aussi la réalisation qui fait ça, c'est-à-dire quand on la voit à l'écran, ça s'arrête, il y a une petite Ouais, musique et on voilà, fait c'est waouh, très. elle est belle et tout machin. Et on sait vachement, je trouve que c'est vachement appuyé par la réelle et on a une Bah, belle c'est un fille, on va en problème parce que profiter, c'est. quoi. Bah, c'était aussi pour la mettre en avant parce que c'est une idole et que Ouais, c'est ça, forcément c'est on pour vend faire la le pub truc. du drama, C'est quoi. ça, c'est ça. Bah, peut-être que s'ils avaient pas pris des idoles, parce que c'est. Pour préciser aux gens, parce que depuis tout à l'heure, on parle des webdramas. Maintenant, le webdrama, c'est un format qui est assez utilisé pour promouvoir des idoles. Et là, on se retrouve avec. Là, il y a Bora des Sistar. À l'époque. Mais je crois pas qu'elle avait une ambition d'être actrice ou pas. Mais en tout cas, les webdramas, c'est un bon tremplin. Ouais. C'est pour tester un peu le public. Et Et ensuite pour se convaincre projeter. aussi les producteurs et ben les réalisateurs de donner une chance à Ouais. un idol. Pour devenir acteur sur des projets genre des longs métrages ou des grosses séries. Et donc ce qui fait que là, Bora, son personnage est très vide. Parce que on la montre toujours. Comme la petite amie, c'est vraiment le faire-valoir de l'histoire. C'est elle qui est l'enjeu du triangle amoureux. C'est elle qui, de temps en temps, elle fait la morale à Gon. Mais elle n'est pas si active que ça, alors que dans le webtoon, elle est un peu plus. Et c'est elle, en fait, à la base, qui lui montre comment fonctionne l'école. Je trouve pas que. Enfin, je sais pas si pour toi, Vicky, t'as eu l'impression qu'elle avait ce rôle de guide. Non, elle n'a Non. pas vraiment le rôle Non. de guide. Au final, celui qui le guide le plus, justement, c'est Jonghyun, tu disais. Ouais. Oui, Jonghyun, celui avec la peluche, c'est lui qui va le plus lui expliquer. Écoute, quand t'es victimisé, il faut essayer de faire comme ça et de ça, machin. Et Bora, au final, elle essaye surtout de l'attirer dans son club pour que le club de judo soit un peu plus famous. Et elle essaye d'avoir un peu plus de mecs, parce que c'est un club uniquement Uniquement féminin, féminin, au ouais. début. Et en fait, t'as juste l'impression que voilà, elle finit par être un peu en crush sur lui, elle a besoin de lui pour le club, et en fait, elle en a à moitié rien à foutre de ses affaires, quoi. Donc c'était Donc, ouais. ouais. Donc voilà, c'est vraiment un web drama qui il veut traiter de beaucoup de thèmes. Il y a beaucoup de non-dits ou alors on suggère des situations beaucoup plus profondes. Notamment le personnage, j'ai oublié son prénom, mais c'est celui qui devient le leader dans la salle de classe, Ah ouais, qui merde, en comment fait il c'est un s'appelle? ancien mafieux. Lui, on montre un petit peu son passé. C'est un ancien mafieux qui a quitté son gang. Tessan, Kang Ouais, Tessan. voilà, Tessane. En plus, je crois que ça, c'est un jeu de mots sur le fait. Enfin, si, peut-être que si c'était écrit en caractère chinois, il y aurait peut-être le caractère pour dire qu'il est fort. Parce que Kang, J'en ça veut sais dire rien. fort. Kang, ça veut dire fort. Bah, bon, Ok. bref. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, lui, dans le webtoon, c'est à peu près la même histoire, sauf que je crois que dans le webdrama, on le montre pas, mais c'est lui qui finance une partie de l'école. Parce qu'il a volé de l'argent à son ex-patron. Oui. Et quand il va voir celui qui le principal, non, le proviseur, au lycée c'est un proviseur, il va voir le proviseur et il dit, voilà, je veux faire un don à l'école, la seule chose que je demande en échange, c'est de permettez-moi de m'y inscrire. Et comme ça, parce que lui aussi, il veut avoir son diplôme et puis mener une vie normale. Donc voilà, il y a ces petits trucs là ce sont des suggestions d'histoires plus profondes que le webdrama n'a pas le temps d'explorer et n'explore pas du tout. Et c'est dommage. Donc voilà. Bon, moi je le recommande pas particulièrement hein, parce que Non. il est long, c'est fastidieux. Ouais. Le jeu d'acteur n'est pas top top non plus. C'est très répétitif. Mais après, si vous voulez un aperçu des clichés de la représentation de la violence scolaire, c'est suffisant de regarder ce drama-là pour avoir une idée de comment ça fonctionne en Corée du Sud. Voilà. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le drama, sur Nightmare Teacher ou sur The Flatterer? Ou pas? Non, Non? non, Non, tu d'accord. réfléchis. Donc là, parce qu'on a parlé surtout du côté comment intégrer le fantastique et le côté thriller psychologique. Après, il y a White Christmas qui est très bien. Ah White ouais, c'est mon drama Christmas, c'est préféré, vraiment perso. un. Je pense que c'est le meilleur thriller scolaire, thriller de Corée, je pense, en webtoon. Je sais pas si c'est C'était un un. webtoon à la base, ça? Non, Non, je pense pas que non, c'est non. Non, du non, c'est webtoon. vraiment un drame original. J'ai Ouais. aimé parce que la scénariste, elle a dit que, de toute façon, pour elle, la première scène qu'elle a eue en tête par rapport à ce drama, c'était la scène où ils sont en train de jouer dans la neige torse nu. Et donc, c'est pour ça mais elle a toujours dit franchement que tous les personnages masculins devaient être beaux. Elle voyait pas. Non, mais voilà, enfin bon. Donc, on apprécie. C'est marrant parce que quand tu regardes le drama, le truc est tellement approfondi, le scénario est tellement bien fait, la réalisation est Ouais. belle, les musiques sont géniales. Il y a autant, je pense qu'il y a autant de musique composée pour l'occasion que de musique externe. Il y a du AC/DC, il y a des opéras qui passent. C'est tellement riche et tellement complet sur tous les domaines que au final, quand tu me dis ça, ça me fait rire parce que enfin, quand tu vois le drama, il est absolument pas superficiel dans la manière de traiter son sujet ou son image. Mais Et pas du pourtant, il tout. est court. Et Ouais. pourtant, il est court, il fait 8 épisodes. Du coup, on encourage tout le monde à le regarder parce que c'est un Voilà. chef Oui, drama et sur ce que. drama-là, on est d'accord, tout le monde doit le voir. Voilà, mais d'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont vu disent tout le monde doit le voir. Hein, donc, je pense qu'il devrait avoir fait le tour Et du monde puis, d'ici pas longtemps. en 8 épisodes, t'as le scénario qui se plaît à nous mettre dans l'intrigue principale, mais en même temps, l'intrigue principale, elle sait se mettre un peu en arrière, pour nous montrer la psychologie des persos, quoi. Ouais, mais Alors que il c'est y a 8 des scènes. épisodes. Il y a des scènes, par exemple, tu sais, celui qui est un petit peu en retrait, là, qui est un petit peu dans sa tête et tout, qu'ils appellent l'ange. Il y a des scènes, en fait, où tu le vois, il est dans des états seconds et tout ça, s'il se drogue ou quoi. Et tu as des longues scènes où, par exemple, tu vois un montage où tu le vois passer, tourner en rond dans la pièce, mais en fait, tu le vois en plusieurs exemplaires, du coup, se marcher comme ça, dans la pièce, dans tous les sens. Et il y a énormément de trucs de réalisation avec les miroirs aussi. Oui. Il y a beaucoup de jeux avec les miroirs parce qu'en fait, il se trouve que dans leur chambre, à chaque fois, ils ont un grand miroir sur une commode type coiffeuse et ils ont de chaque côté de ce miroir deux petits miroirs d'appoint en fait qui se tournent et très souvent vous allez avoir des jeux avec les miroirs la personne se regarde, elle voit quelque chose derrière elle ou on voit son regard se croiser dans deux miroirs différents et tout mais c'est vraiment un drama qui est très travaillé au niveau de la composition des plans, de la réalisation et c'est pas des plans jolis pour être jolis, c'est des plans Non, qui sont sûrement, ouais. beaux mais pour raconter des choses, pour dire c'est vraiment du show don't tell quoi, Il c'est y a féerique. de belles symboliques. Il a Mais été travaillé ce drama c'est en fait, ça, c'est c'est ça. ça. Et sur tous les plans, que ce soit le scénario, la réalisation, rien n'est fait au hasard, il y a un effet freestyle comme les dramas qui sont tournés avec 20 épisodes où il faut le faire toutes les semaines à l'arrache et tout. Là, on sent que c'est posé, il y a des plans qui sont un petit peu longs dans la neige dehors, qui sont pesants sans aucune musique. Ça prend vraiment le temps de te mettre dans une atmosphère. Il est extraordinaire ce drama, il faut le voir. Après, d'autres dramas scolaires un peu psychologiques, c'est le drama Jungle Fish. Donc il y a deux, le premier c'était avec Kim Soo Hyun je crois, et puis il y a une deuxième version aussi qui est un peu moins bien. Bon, j'ai pas re-regardé là, donc je peux pas en parler précisément, mais je sais que j'avais préféré la version non pardon je me trompe, j'avais préféré la version 2, et il y a Hee-joon dedans, le gars des M Black. Ah oui, effectivement, oui, il est June qui est reconnu comme étant un bon acteur en Corée maintenant. Voilà. Je vais parler de lui après, mais bon. Oui. Vas-y. Bah, en fait, c'était pour le prochain segment du podcast. Ah d'accord. Okay. Bah, pour ce qu'on garde en ce moment, bon bah ok. Bon, alors du coup, donc juste pour recommander des dramas scolaires un peu plus psychologiques et pas juste je suis tombée amoureuse d'un tel ou un tel, c'est White Christmas, absolument à voir, et Jungle Fish. Merci à vous qui nous avez écoutés, merci à ceux qui ont partagé le lien du podcast, merci à ceux qui nous ont fait de la promo, vraiment merci beaucoup, et puis on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode musical cette fois-ci. Et surtout n'hésitez pas à donner votre avis. Oui, laissez-nous vos avis pour savoir quoi améliorer ou ce qui est trop bien et qu'on ne doit pas changer. Donc, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye. Au revoir. Bye.